Les inconnus de l'histoire enquêtent sur un prince syrien du XIIe siècle dans la guerre du Proche-Orient. Ousama Ibn Munkif, par Jean Montalbetti, médiateur André Miquel, professeur au Collège de France, consultant Mohamed Rekaya, maître assistant à Paris 3, spécialiste de l'islam classique, Françoise Michaud, maître assistante à Paris 1, spécialiste de l'histoire du Moyen-Âge. Dans le rôle d'Ousama, Boudjema Bouada, prise de son Patrice Klein et Eric Damaggio, mixage Claude Jubier, réalisation Christine Bernard-Sugy. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 30 décembre 1983. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site francecultures.fr à la page des nuits.